والحزن بمعنى متقارب. Et certains savants ont dit que le mot wahan et le mot hazan sont d'un sens proche. فإن الوهن هو الشعور التي تضاعف يضاعف الأبدان. Et le wahan, c'est un sentiment de faiblesse morale qui affecte les corps. Tandis que الحزن هو الشعور الذي يضاعف القلوب. Tandis que الحزن, c'est un sentiment de tristesse et de faiblesse morale qui affecte les cœurs. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه لا يليق ولا ينبغي للمؤمن مثل ذلك الوهن والحزن. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué qu'il ne convient nullement aux croyants et à la croyante de faire l'objet d'une telle chose. فالمؤمن المتيقن بما وعده الله عز وجل من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك. Et donc le croyant qui a la certitude en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis comme récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà, ne lui convient pas de faire l'objet d'une telle chose. نعم. ففي هذه الآية الكريمة كذلك بشارة عظيمة للمؤمن. Et donc aussi dans ce verset, il y a une énorme et une grande bonne annonce faite aux croyants. Il y a une énorme et une bonne annonce faite aux croyants qu'ils auront auprès de leur Seigneur de haut degré et une haute place. نعم وهذا نذير ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. Et ceci comparé à ce que a rapporté l'imam Ahmed dans son musnad, son livre Al-Musnad, selon une chaîne de transmission authentique qu'a authentifié le noble et honorable savant Al-Albani. D'après un hadith de Ubay ibn Ka'b, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, fais la bonne annonce à cette communauté d'une ascension ainsi que d'un raffermissement dans leur religion et aussi d'une élévation et qu'ils obtiendront la suprématie sur terre. نعم. فهذا وعد من الله عز وجل أنه يعلي كلمته وأنه ينصر دينه. Et ceci est une promesse d'Allah عز وجل qu'il élèvera sa parole et qu'il secourra sa religion. وهو القائل. Et c'est lui qui dit, c'est lui qui a dit, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Et il a rabaissé la parole des mécréants au plus bas niveau. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Tandis que la parole d'Allah eut certes le dessus, et certes Allah est sage et puissant. وهو القائل. Et c'est lui aussi qui dit, ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Certes Allah subhanahu wa ta'ala va secourir celui qui secourt sa religion, et certes Allah est puissant et fort. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, d'après un hadith de عبد الله بن عباس رضي الله عنهما qu'a rapporté l'imam الترمذي selon une chaîne de transmission authentique, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner certaines paroles. Protège la religion d'Allah, il te protégera. Protège la religion d'Allah, tu le trouveras devant toi. وكلمة احفظ الله قال بعض الشراح أي احفظ حدود الله وأوامر الله يحفظك الله. Et au sujet de la parole, protège la religion d'Allah, Allah te protégera. Certains savants ont dit qu'il s'agit de respecter les limites d'Allah ainsi que ses obligations, alors Allah te protégera. فهي كلمة عامة filhifdi al-hissi wal-ma'nawi. Donc c'est une parole générale qui englobe une protection visible et invisible. فهذا دين افهموا يا معشر المسلمين وفقكم الله من ثبت عليه رجالا كان او نساء او كبيرا كان او صغيرا فلا يزيده ذلك الا قوه وفخرا. Et donc ceci est une religion, celui qui s'y trouve raffermi, qu'il soit homme, femme, âgé ou jeune, cela ne lui rajoutera que de la noblesse et de la fierté. نعم. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit, selon une traduction approximative, certes la puissance et la suprématie appartient à Allah azza wa jal, et ainsi qu'à son messager et ainsi que aux croyants. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة إذا اختارك الله لهذه النعمة نعمة الدين فاعرف لهذه النعمة قدرها. Et si donc ô toi le muslim et ô toi la muslima, si Allah t'a choisi pour ce bienfait qui n'est autre que le bienfait de la religion, prends conscience de l'énormité et de la grande valeur de ce bienfait. فلا تبع دينك بمال أو جاه أو منصب أو غير ذلك من متاع الدنيا. Et donc ne vends pas ta religion pour de l'argent ou pour un quelconque poste ou un quelconque travail ou pour toute autre chose parmi les choses de cette dunya. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن الله سبحانه وتعالى يقول. Et Allah certes il dit إن الدين عند الله الإسلام. Et certes la religion auprès d'Allah n'est autre que l'islam. فلا يقبل دينا غيره. Donc ne sera acceptée une autre religion que l'islam. نعم. فالله سبحانه وتعالى نعم أمرنا أن لا نحزن وأن نثبت على دينه وأن ماذا وأن لا نضعف في ديننا. Donc Allah سبحانه وتعالى il nous a ordonné de ne pas faire preuve de tristesse exagérée et de ne pas faiblir dans notre religion. والله سبحانه وتعالى أو ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال. Et il a été confirmé de عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم في المستدرك. Comme cela est venu dans le livre d'Al-Hakim, Al-Hakim في المستدرك, qu'il a dit نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré avec l'islam. Et donc, si nous recherchons la fierté et le prestige dans autre que l'islam, Allah nous humiliera. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, celui qui recherche une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il se trouvera dans l'au-delà du nombre des perdants. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala humilie ne trouvera nul autre pour l'honorer. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة. Et donc l'imam al-Barbahari dit dans son livre Sharh al-Sunnah, اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Sachez que l'islam n'est autre que la sunna et que la sunna n'est autre que l'islam et que l'un ne va pas sans l'autre. Naam. Walida lam tadhhar mahabbatu ash-shakhs li rabbih haqiqatan hatta ya'mal bi hadhihi as-sunnah al-mutahhara. Et c'est pourquoi le véritable amour que porte le serviteur envers son Seigneur ne se manifeste réellement que lorsque le serviteur œuvre avec cette sunna purifiée. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qul in kuntum tuhibbun Allah. Dis, si vous aimez Allah azza wa jal, si vous aimez Allah, fattabi'uni. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète, alayhi salatu wa salam, de dire à tous ceux qui prétendent qu'ils aiment Allah, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhbibukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si toutefois vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera donc et vous pardonnera vos péchés. ونذير ذلك ما أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. Et comparé à cela aussi, il y a ce qu'a rapporté l'imam ibn Majah عليه رحمة الله dans son livre The Sunan, d'après une chaîne de transmission authentique qu'a authentifié le noble et honorable savant al-Albani عليه رحمة الله. D'après un hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, taraktukum ala al-bayda, layluha ka nahariha, la yazighu anha illa halik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s'en égare qu'une personne qui court à sa destruction. Naam, fama taqoumu al-firak, ad-dallah, من مخالفة هذه السنة النبوية فالإسلام منه بريء. Et donc, tout ce que peut commettre comme action les différentes sectes, action étant contraire à la sunna, l'islam s'en désavoue. نعم. فلا تغتر أيها المسلم وأيتها المسلمة بهذه الأفكار المتطرفة المخالفة لهدي النبوية. Donc, ne sois pas trompé, ô toi le musulman. Et ô toi la muslima, sur toutes ces pensées qui sont contraires à la guidée du prophète alayhi salatu wassalam. Wathbut ala kitabin wa sunnah wa minhaj salaf al-ummah. Et sois ferme et fais preuve de fermeté en concordance avec le Coran et la sunnah et avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Wa hadha kama kana yansahukum imamukum al-qadim. من موضع قدمي هاتين أخونا حمزة ابن ياسين عليه رحمة الله. Et ceci conformément à ce que vous conseillez votre ancien imam, notre frère حمزة, dans ce même endroit. اثبتوا على كتاب والسنة ومنهاج السلف. De fait d'être raffermi sur le kitab et la sunna et selon la compréhension des pieux prédécesseurs. فجزاه الله عني وعنكم وعن السنة والإسلامي والمسلمين خيرا. Et qu'Allah le récompense d'une grande récompense et lui fasse preuve de miséricorde. نعم. وأما المؤمنون فإن أعظم الفرح والسرور عندهم. Et en ce qui concerne les croyants, le plus grand bonheur et leur plus grande joie dans ce bas monde, هو السير على النور, n'est autre que le fait de cheminer sur cette voie de la lumière jusqu'à la mort. Falhamdulillahi rabbil alamin.